Nos cœurs battent la même rythmique, unis dans ce chant épique. Stand your ground, keep the light, hold on tight. Dans le vent froid, un phare vivant dans ce monde sans loi. Aucune ruine ne peut l'éteindre. Nos âmes s'élèvent, prêtes à rejoindre. Je marche droit. Oh!